weiter weg in Sujet. Heute geht es mit einem neuen Thema weiter. A new topic, which is character. Es geht um den Charakter. Il s'agit du caractère. Praise the Lord. Halleluja. We're going to talk about character. Wir werden über den Charakter sprechen. On va parler sur le caractère. There are two ways I'm going to put it. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. To have a character in the natural world, it means your behavior is always good. That's what they call character. Jemand mit Charakter zu sein, heißt jemand zu sein, der immer gutmütig ist. Quelqu'un de caractère, être quelqu'un de caractère dans ce monde, ça signifie toujours être quelqu'un qui est bien, une bonne personne. According to the system of this world. Nach dem System dieser Welt. Selon le système de ce monde. What this world calls good. Was diese Welt gut nennt. C'est que le monde appelle bien. And what this world calls, what religion also called good. Auch das, was Religion gut nennt. C'est que la religion aussi définit comme bonne chose. But this character is evil before Christ. Aber dieser Charakter ist bösartig vor Christus. Mais le caractère de ce monde c'est mal pour Jésus devant Jésus-Christ, c'est quelque chose de because this character is without Christ. Weil dieser Charakter ohne Christus ist. C'est mal parce que c'est un caractère sans Jésus-Christ. Praise the Lord. Whatever is without Christ is evil before Christ. Denn alles, was ohne Christus ist, ist bösartig vor Christus. Parce que toute chose qui est sans Jésus-Christ, c'est une chose mauvaise devant Jésus-Christ. Because two powers control the earth. Denn zwei Mächte kontrollieren diese Kraft. Parce qu'il y a deux puissances qui contrôlent ce monde. Christ or Satan. Christus oder Teufel. Jésus-Christ ou le diable. If Christ is not involved, then it's definitely Satan. Wenn Christus nicht involviert ist, ist der Teufel. S'il ne s'agit pas de Jésus-Christ, il s'agit du diable. What man call character in this world, Christ call it evil. Evil character. Denn was diese Welt Charakter nennt, no matter how good Jesus it is. Christus bösartig, egal wie gut es ist. Peu importe quel caractère qui est bon selon ce monde, Jésus-Christ dit que c'est quelque chose de mauvais. There's another way I have to put it. That is the natural... In the natural world, there's no one without character. In der natürlichen Welt. Everybody will have character. Hat jeder einen Charakter. Dans le monde naturel, tout le monde a un caractère. They are either good according to the system of this world or they are bad. Gut nach dem System dieser Welt oder schlecht nach dem System dieser Welt. Ils sont bien selon le système de ce monde, ou bien ce sont des caractères qui sont mauvais selon le système de ce monde. Praise the Lord. No matter how good your character is. It is evil before Christ. Egal wie gut dein Charakter ist, er ist bösartig vor Christus. Peu importe comment ton caractère est bien selon ce monde, c'est mauvais devant Jésus-Christ. Why? Because since the fall of man, there is nothing good in man. Weil seit dem Sündenfall gibt es nichts Gutes im Menschen. Parce que après la chute de l'homme, il y a plus rien qui est bien dans l'homme. Are you getting it? Since the fall, there's nothing good in man. Seit dem Sündenfall gibt es nichts Gutes im Menschen. Depuis la chute de l'homme, il y a plus rien. Let's go to Romans 3. Romains 3. On va lire Romains 3. Praise the Lord. Amen. Christ has his own character. Christus hat seinen eigenen Charakter. Jésus-Christ a son propre caractère. He came with his own character. Er kam mit seinem eigenen Charakter. Il est venu avec son propre caractère. That's why coming to him, there is going to be a change of character. C'est pour cela dès qu'on vient vers Jésus-Christ, on change notre caractère. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. People that know you before, they no longer know you. Les gens qui te connaissaient depuis toujours, ils te reconnaissent plus. Remember, if any man be in Christ, it's a new creature. Amen. Another creature. La Bible dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Praise the Lord. Mm-hmm. In Romans 3 from verse 12 to 18. Romans 3, 12 à 18. Praise the Lord. Said they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is no that doeth good, no, not one. Amen. There is no good in man. Ils se sont tous égarés, ils sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Praise the Lord. Amen. Your loving, the love you love is evil. Love is evil, Lord. L'amour que tu as dans ce monde, c'est un monde, c'est un amour qui est, c'est un mauvais amour. Their joy is a joy, it's evil joy. Leur joie, c'est une joie mauvaise. The only righteous joy is the joy of the Lord. Die rechte Freude ist die and not the joy of property, the joy of things. L'unique joie qui est juste, c'est la joie de Jésus-Christ. We rejoice when we have things, but because our things are our things, they are Christ. We don't have anything that is not Christ. Whatever comes to us, Christ. That's why we rejoice. Wir haben nichts, was nicht von Christus. Are you getting something? Nous, on n'a rien qui n'est pas de Jésus Christ. Tout ce qui nous appartient, c'est connecté avec Jésus Christ, et c'est pour cela on a de la joie. When people bless us, we rejoice. We are rejoicing because our source is Christ, not that person. Wenn Leute uns segnen, it's not about things, it's about Christ for us. We rejoice, we still rejoice. Quand quelqu'un nous bénit, par exemple, on se réjouit pas parce qu'ils nous ont donné quelque chose de matériel, on se réjouit parce que Jésus-Christ est notre source, parce qu'on se rappelle que c'est Jésus-Christ qui est la personne qui provoit pour nous. No, their motive is evil. You know, their desire is evil. Everything since the fall, there's no good. There have been no good in man. Il y a depuis la chute de l'homme, il n'y a rien, il n'y a plus rien de bien dans l'homme. Verse 37, their throat is an open sceptre. 13. With their tongues, they have used deceit. The poison of us is under their lips. Praise the Lord. Hallelujah. No matter what, you know, whatever they say is evil. Because what they are saying is not based on Christ. Tout ce qu'ils sont en train de dire, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Verse 14, it says, whose mouth is full of cursing and bitterness. You see there. Verset 14, leur bouche est pleine d'agré malédiction. D'aigre malédiction. Praise the Lord. Hallelujah. And their feet are swift to shed blood. Verse 16, destruction and misery are in their ways. And the ways of peace have they not known. The only peace is Christ, Amen. The peacemaker, the Prince of Peace. And they reject ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Le seul chemin de la paix, c'est Jésus-Christ. Ils sont en train de rejeter Jésus-Christ. There is no fear of God before their eyes. They never chose Christ. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Ils ne choisissent jamais Jésus-Christ. Is somebody getting something? Praise the Lord. Alleluia. Also Mark 10, verse 17 and 18. Jesus said, there's no man. Let's go there. On va lire Marc 10. Marc 10. Praise the Lord. Verse 17 and 18. You know, you cannot pretend before Christ. Du kannst Christus nichts vormachen. Tu peux pas prétendre quelque chose. To God reveal you out. Parce que lui, il va t'exposer. And that's why people can hardly pretend before me. Weil ich Mitleid mit dir habe, sage ich dir nicht, dass ich verstehe, was du hier abziehst. C'est pour cela quelquefois il y a les gens qui prétendent être quelqu'un d'autre devant moi. Moi, je comprends déjà. Je ne dis rien quelquefois parce que j'ai pitié de vous. Once you come to me, you are saying something. I already know where you are coming from, where you are going to. But I just look at you. I just keep on talking. wirst du mir kommst und mir auch schon Lügen erzählst, ich erkenne das sofort. Aber ich gucke mich einfach dabei an und höre dir weiterhin zu. Si tu viens vers moi et tu me parles de tes mensonges, moi, quelquefois, je comprends, souvent je comprends déjà et je sais qu'est-ce que tu veux dire et je te laisse juste parce que... Well, verse 17 and 18 said, and when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him. Can you see the respect? Kneeling down. Comme il partait, un homme accouru se jeta à genoux devant lui et lui demanda. You know, when you are here in Europe, they might not like this, but in Africa, people like that. Praise the Lord. Kneeling down for Jesus. That Jesus did not see it as good. Are you getting this? Ils sont à genoux devant Jésus-Christ, mais Jésus-Christ n'a pas vu ça comme bien pour lui. C'était pas bien. People will say, oh, he's always seen something to say. He must see something to say. He must see something. Jesus has to judge. Jesus musste sich, you have to judge. Richten. Dieu, Jésus-Christ doit toujours juger. Il a toujours jugé. Are you getting something? Because, you know, if you don't judge, you know, Satan is going, you know, you are going, the results, you are not going to like it. Weil wenn wir nicht richten, werden wir das Resultat wird uns nicht gefallen. Parce que si on ne juge pas le résultat, ça ne va pas nous plaire. Somebody kneeling down for Jesus. But Jesus did not even see the kneeling down. Today people say, hey, you are so wicked. Upon all the kneeling down. Und heute würde man sagen, was? Diese Person hat so für die Niederknien, du hast dennoch Nein gesagt, bist du echt bösartig. Ici on voit quelqu'un s'agenouiller vers Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, ça ne lui a pas plu. Et ici, ce jour, ici, les gens vont dire que, oh, quelqu'un s'agenouille devant toi, et toi, tu n'aimes pas ça, toi, tu es vraiment bizarre. And he asked Jesus, he said... And asked him, good master, what shall I do that I may inherit eternal life? Good master, you know. Il a dit, bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? This man was after the good of this world, and not the good of Christ. Dieser Mensch war hinter dem Guten dieser Welt, und nicht das Gute von Christ. Jesus just put it up to him. Cet homme était toujours derrière le bien de ce monde. Et Jésus-Christ a remarqué ça directement. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Jesus, you know, so hot. He did not even hide it. Jesus war einfach so in Feuer und Flamme, dass er das nicht verborgen hat. Lui, il était un feu, il était direct sur cette personne. Don't compromise with Satan. Don't tolerate with those compromise with Satan. You are never one with him. Avec le diable, on va pas tolérer le diable. You expose him. Il faut l'exposer. Are you getting it? Praise the Lord. You learn to expose religion all the time. Du lernst Religion zu entlarven. On doit apprendre à exposer, ou contredire la religion chaque fois. And Jesus said unto him, why callest thou me? Good. There is no good but one, that is God. Praise the Lord. Yeah. Amen. Why are you calling me good? Wieso nennst du mich gut? Pourquoi tu m'appelles bien? Are you ready to accept me as God? Bist du bereit, mich als Gott zu akzeptieren? Because they never believe he's God. Est-ce que tu es prêt de m'accepter comme ton Dieu? Denn sie glauben nicht, dass er Gott ist. Parce qu'ils ne croient pas que tu es Dieu et qu'il est Dieu. He was not even still ready. War immer noch nicht bereit. Parce que la personne était même pas prête. Because as he started speaking, continued to speak, he dropped the good. Weil hat dann weiter gesprochen, hat dann nicht mehr guter Meister gesagt. Et quand il a continué à parler, il n'a plus dit appelé Jésus-Christ comme un bon homme. Praise the Lord. Jesus said, there is no that is good, no not one. Jesus sagt, es gibt niemanden, der gut ist, kein einziger. Jésus-Christ lui répondit, personne n'est bon, sinon Dieu seul. people say there are still good people everywhere. Mais le monde, I'm novice, you are. Le monde dit toujours qu'il y a beaucoup de bonnes personnes partout. How dead you are, just telling me how dead you are. Aber diese Aussage zeigt mir, wie tot du bist. Mais quand tu dis quelque chose de pareil, tu me révèles que tu es quelqu'un de qui. Jesus, that is life. He said there is no good. You You know, he's just telling me how blind you are. Aber Jesus sagt, als Jesus, der das Leben sagt, es gibt niemand Gutes. Dieu étant la vie, dit que il y a rien qui est bon dans ce monde, sauf Dieu. Et toi, tu me dis qu'il y a encore que des gens qui sont bien dans ce monde. Ça signifie que tu es aveugle. You know, our neighbor here, you know, the Lord told me to go and preach to her. I went there. She did not even give me time to preach. All she was saying, I'm a Christian. Don't you know that? That is why I give you cooking, I give you that, I give you. Can you see it's all about what she do and not Jesus Christ at all? Mm-hmm. Then I was trying to bring it. She said, no, she's already a Christian. That is why she's doing something good. Mm-hmm. Can you see? Der Herr hat mich mal dazu geleitet, unsere Nachbarin zu predigen, also die Beckers-Familie. Und ich hatte da mit ihr geredet, aber sie hat mich gar nicht ausreden lassen. Sie meinte, ja, ich bin schon ein guter Mensch, ich bin ein guter Christ. Deswegen gebe ich euch ja auch manchmal einfach so, schenke ich euch Brot und schenke ich euch viele Kuchen und so. Und das ist einfach fleischlich, das Gesetz. Dieu m'a, un jour, le Saint-Esprit m'a dirigé vers ma voisine et m'a dit de partir prêcher, de la prêcher. Et quand je la prêchais, elle ne voulait même pas beaucoup écouter. Elle dit, moi, je suis chrétien, je ne sais pas que c'est pour cela que je vous donne quelquefois le pain, quelquefois je vous fais un gâteau. C'est parce que non, tu peux voir vraiment que pour elle, être chrétien, c'est qu'elle fait du bien, mais ce n'est pas la vérité. Donc, elle ne voulait même pas me laisser la possibilité de continuer à prêcher pour elle. What Christ called good is not about what you do. It's about you believe on what he do. Amen. Denn der Glaube an Jesus Christus basiert nicht auf dem, was du tust, sondern das, was er getan hat. Parce que croire en Jésus Christ, il s'agit pas de ce que toi tu fais de bien. Il s'agit que est-ce que tu crois ce que lui il a fait pour toi à la croix. C'est ça croire en Jésus Christ. Religion will say if you are blessing the house of God, you are good. If you are doing this, you are good. If you are doing this, if you are not lying, you are good. It means you can never be good. Because lies can never finish. Und if you are not lying here, you are lying there. Wenn du, and if you violate one, you violate all. Kein Lügner bist, wenn du nicht schlecht getan hast, dann bist du gut. Oder wenn du in die Gemeinde bist, bist du gut. Aber wenn du an einem Ende etwas richtig machst, machst du es aber am anderen Ende wieder falsch. Und niemand kann sich vor Gott rechtfertigen durch seine Werke. Denn wenn du in einem versagst, bist du in allem schuldig. La religion dit que tu es une bonne personne si tu ne mens pas, si tu fais quelque chose de bien dans ce monde, mais devant Jésus-Christ, c'est vraiment inutile parce que dès que tu fais une chose, même si tu fais 100 choses qui sont bien, dès que tu fais une faute, tu as déjà violé toute autre loi. Donc, ça ne sert à rien. C'est pour cela qu'il dit que c'est seulement lui suivre, c'est la seule chose qui est bien dans ce monde. Before the fall, everything was good. Before the fall, everything was good. Avant la chute de l'homme, c'était bien. Amen. But after the fall, nothing good. There is no rien de bien dans ce monde. No one is good. Except the only true God. Il y a personne qui est bien sauf Dieu lui-même. And that's why to be good means you come to Christ. That's how to be good. C'est pour cela tu es bien, tu es une bonne personne seulement. You believe the finished work of Christ. Quand Jésus-Christ vient vers Jésus-Christ. It's the only good thing. Indem wir an das fertige Werk Jesus Christus glauben. Quand on commence à croire à l'accomplissement de ce que Jésus-Christ a fait, c'est là on commence à être quelqu'un de bien. Praise the Lord. Amen. Naturally, characters are unchangeable. Natürlich gesehen ist ein Charakter unveränderlich. Natürlich gesehen ist ein Charakter unveränderlich. Naturellement, le caractère d'une personne, on ne peut pas le changer. Your character is your nature. It is unchangeable. Amen. Ton caractère, naturellement, c'est ta nature. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Character is what never change. Le caractère, c'est quelque chose que naturellement, ça ne peut pas changer. Apart from man's behavior, there are things that are also called characters. Und nicht nur das Verhalten gehört zum Charakter, sondern auch andere Sachen. Il y a quelque chose. C'est pas seulement ton comportement qui est ton caractère. Il y a aussi autre chose qui fonde sur ton caractère. Things that are permanent, man calls them characters. Dinge, die like alphabet. Dinge, die Ich fühle, dass das ein anderes Wort ist, nicht Charakter. auf Deutsch. Dinge, die ewig sind, nennt man auch Charakter. Les choses qui sont éternelles, on les appelle aussi caractère. Like alphabet, like A. A is A everywhere. It's constant. Okay, man muss halt, man darf nicht vergessen, also im Deutschen heißt Charakter eher die Art des Menschen, aber im Englischen heißt Charakter auch Natur. Im Deutschen heißt Charakter eben nicht Natur. Mhm. Deswegen, ich werde jetzt weiterhin einfach das Wort Natur nehmen, damit das mehr passt zu dem, was jetzt gesprochen wird. Okay, Natur. Bon, je demande, dann frage ich Mama auch. Ne? Parce que eux, ils sont en train de parler du caractère, mais en anglais, le caractère, c'est aussi un mot pour dire la nature, ton personnage, donc ton intérieur, par exemple. Que je continue avec le mot caractère ou bien que je prenne nature ou bien personnage. Ta personnalité? Personnalité, c'est mieux? Okay. Like a bee is bee anytime in the morning, in the afternoon, bee is still bee. You get it? Aber es ist dann nicht Personalität. Also Personalität ist dann auf den Menschen bezogen. Das, was sie meint, ist zum Beispiel das, kennst du, Naturgesetze mäßig. Also soll ich jetzt Natur sagen? Also ich weiß. Und sag dir mal Natur, weil Natur bezieht sich auf Menschen und auf alles andere. Okay, je dis Natur, parce que ça, c'est aussi basé pas seulement sur l'être humain, mais aussi sur le monde entier. Nature. And also see, you know, this alphabet, they are stable, they are constant. Wie zum Beispiel die Buchstaben Alphabet, das sind konstante Einheiten. Par exemple, A, B, C, c'est aussi, c'est quelque chose de constant, ça ne change pas. C'est pas veränderlich. A man called them characters. Man also called numbers characters. Numbers, that's one. One is one everywhere. Things that is, you know, that is still. That, you know, it's impossible to change it. Amen. Und genauso gehören auch Zahlen und das und die Alpha. Die Buchstaben, sorry, Buchstaben und Zahlen gehören zu auch diesem zu diesen Einheiten, die einfach fest sind. Même les comment on appelle les numéros, toutes les lettres, c'est aussi une partie de cette d'une chose qui est constante, qu'on peut pas changer parce que un c'est un partout dans le monde, même s'ils appellent. That is how Jesus is to be in your life. Et c'est comme ça. I don't know if you get it later. Amen. Und so sollte Jesus Christus in deinem Leben sein. Et c'est comme ça Jésus Christ doit être dans notre vie, mais on va comprendre au fur et à mesure. One is always one. Die Zahl 1 ist immer 1. La lettre 1 c'est toujours 1. 2 is always 2 at any time. In the morning, in the afternoon, midnight, 2 is 2. 2 ist immer 2. Amen. Amen. It does not change. Das verändert sich nicht. Amen. Amen. Men also call statue character. Oder Menschen nennen auch eine Statue eine feste Einheit. Mm-hmm. Mm-hmm. L'homme appelle aussi des statues une Einheit. Einheit. Yeah. Une unité. Yeah. A statue. Because no matter what happened around them, they remain still. Mm-hmm. Das sind Einheiten, die einfach unverändert sind. Egal was passiert, sie bleiben fest, fix. Parce que même une statue, peu importe qu'est-ce qui va se passer, ça reste quelque chose qu'on peut pas changer, on peut pas bouger. Principles are called characters. Principles. Prinzipien werden auch Einheiten genannt, werden auch Gesetze genannt. Les principes, par exemple, même les lois, c'est aussi, ça fait aussi partie de cette nature qui sont invariables. Because principles are laws, they never change. Weil Prinzipien auch Gesetze sind, die unveränderlich sind. Parce que les principes et les lois, ce sont des histoires qu'on ne peut pas seulement changer comme ça. Once God speaks, it becomes law, and it never changes. Mm. And he walks by his principle, he walks by his law. He himself, he must obey his law. Mm. Wenn Gott spricht, ist es Gesetz, denn das, was er sagt, ist das Gesetz. Er selbst ist das Gesetz. Parce que quand Dieu parle ses paroles, c'est aussi une loi parce que lui-même, il obéit à sa voix. Il ne change pas à sa parole, aux histoires qu'il dit. Il est fidèle à sa parole, en fait. That's why when Jesus said you are healed, you are really healed. Amen. It's unchangeable. Amen. Wenn Jesus sagt, du bist geil, dann bist du wirklich geil, weil das verändert. Amen. Parce que quand Jésus-Christ dit que toi, tu es guéri, tu es vraiment guéri parce que c'est sa parole qu'il a parlé à toi. C'est quelque chose qui va jamais changer. If you say you are blessed, you are blessed. You know whatever, everything from him. You know they are so fast that you know you never doubt it. Amen. Und das ist alles so fest, dass du das nicht anzweifelst. Même quand il dit qu'il nous bénit, il nous a béni. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est une nature. C'est quelque chose qui est la vérité. Ça ne change pas. Et if you on doit pas le douter. If you cannot even doubt that of the natural, what about the supernatural? Und wenn du das natürliche noch nicht mehr anzweifelst, ne, weil du zum Beispiel du beispielsweise niemals nennt man das nochmal, wenn etwas runterfällt. Schwerkraft, danke. Wenn du noch nicht mal Schwerkraft anzweifelst und daran glaubst, das war ein natürliches Phänomen. Wie viel mehr sollten wir dann an das Übernatürliche in Jesus Christus glauben? Elle dit, par exemple, on n'a pas le droit à douter à ce que Jésus-Christ dit. Parce que si on a même l'audacité de croire ce que la nature dit, par exemple, quand on voit la pluie, on dit que ça c'est la pluie, tout le monde dit que c'est la pluie. Mais comment, à plus forte raison qu'on va plus, on va douter ce que Dieu dit, que par exemple, quand il dit que tu es guéri, pourquoi le douter, par exemple? If you say you are already blessed, you are already blessed. And you don't know, it's a law, it's so constant, it's so stable, it's unmovable, nothing can move it. Das ist fix, niemand kann das ändern. But do we believe it? Aber glauben wir das? Mais parce que sa parole, c'est quelque chose qui reste intouchable, c'est quelque chose qui va toujours rester pour toujours, mais le problème, est-ce que nous, on le croit? On est capable à croire le monde naturel, mais... Pourquoi on ne croit pas le monde spirituel quand il dit que ça reste... If he says it's not about your results, it's about me. Will you believe that? It's cause this table. It's about me. I am your victory, not that very thing. Wenn er sagt, will you believe it? Can you even believe it? Es geht um mich und nicht stable. It's unchangeable. Musst du entscheiden, his ob du an ob sein Wort ja und Amen ist. Par exemple, quand il dit quelque chose, il dit qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi. Est-ce que tu es capable à lui croire? Parce que c'est sa parole. You cannot disagree. Or let me say, change the principles. Tu kannst die Prinzipien nicht ändern. You cannot change it. Tu peux pas changer les principles. Même le principe de Jésus-Christ, tu peux pas les changer. You cannot change it. And that's why you're fasting and prayer. You know, you're fasting to change it. It can never work. I don't know if somebody is getting it. Parce que même si tu fais les jeûnes de prière, ça ne va pas changer les principes de Dieu, de Jésus-Christ. No, you can ignore him. You can ignore his principles. You can ignore it. Du kannst seine Prinzipien ignorieren. Tu peux ignorer ses principes. You can even hate it. Du kannst sie hassen. Tu peux le détester et le haïr. But you cannot change it. Du kannst sie nicht ändern. Mais tu peux pas le changer. Are you getting it? Amen. Amen. A lot of us we want to change it. So what we want, what we like. Il y a beaucoup de nous qui on veut même changer les principes de Dieu conforme à la nôtre. 2 Corinthiens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 13. Verse 8. Du Corinthiens 13, 8. He said, for we can do nothing against the truth, but for the truth. Amen. You cannot change it. En effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. It is unchangeable. And that's why you're fasting. I cannot change. C'est dein Fasten kann ihn nicht ändern. C'est pour cela tes jeûnes de prière, ça peut pas changer la vérité de Jésus-Christ. Christ's truths, they are principles. Die Wahrheiten von Christus sind Prinzipien. Les vérités de Jésus-Christ, ce sont des principes. Amen. Amen. And what man called character is not what Christ called character. Und was Christus Charakter nennt, ist nicht das, was was diese Welt Charakter nennt. C'est ce que Jésus-Christ appelle la nature, c'est pas ce que le monde appelle aussi la nature. Christ has his own character. Christus hat seine eigene Natur. And he came with them. Und er kam damit. Jésus-Christ a sa propre nature, il est venu avec sa nature. He came with his own kind of characters. Amen. Amen. Il est venu avec sa propre nature. In Matthew 4, verse 17. Jesus was introducing another character to them. Jesus hat ihnen eine neue Natur vorgestellt. En Matthieu, Jésus-Christ les a introduit à une nouvelle. Are you there, please? Mm-hmm. Matthew 4, 17. Matthieu 4, 17. Are we going there? Let's go there. On va lire Matthieu. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. He said, from that time, Jesus began to preach and to say, repent for another character, another kingdom. With his system, something another has come. It's about to come. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant, changez car le royaume de Dieu est proche. Les cieux est proche. Praise the Lord. Amen. Also in 2 Corinthians 4, 18. Let us go there. 2 Corinthians 4, 18. On va lire aussi 2 Corinthiens. He said, when we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Amen. Amen. We no longer look at the old character. We not see the new spirit. Amen. Amen. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. You have to be in the spirit to be able to see. That's the new. On doit être capable d'être en esprit pour voir le monde invisible de Jésus-Christ. And he says 2 Corinthians 5, verse 7. Look at it. He says, for we walk by faith and not by sight. Car nous vivons, nous sommes guidés par la foi, pas par la vue. Your old character, you walk by sight. Bei deinem alten Charakter bist du per Sicht gelaufen. Dans notre nouvelle But the new, you walk by faith. Aber im neuen, im Glauben. Dans notre ancienne créature, nature, on était guidé par la vue. Mais dans notre nouvelle nature, on est guidé par la foi. There's a change of character once you come to Christ. Une nouvelle nature quand tu Christ comes. On a une nouvelle nature quand on vient vers Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You approve the old. Amen. You are pruned from the root. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You walk by faith. You walk by Christ. You walk by the Spirit. Okay. Car on est guidé par la foi et pas par la vie. Déraciner l'ancienne nature. Ah, okay. Il a déraciné l'ancienne nature. Praise the Lord. Hallelujah. The old you walk by sight. Im alten wandelst du per sich. Comme on l'a déjà dit, dans l'ancien on est. You walk by feeling. You walk by your five senses. You walk by the news. Durch die Nachrichten, die du hörst. On est guidé par nos sentiments, par nos cinq sens, par des messages qu'on écoute. Remember Jairus and Jesus. Erinnert euch an Jairus und Jesus. Rappelle-toi à Jairus. Et Jésus, you know, the old you walk by what he hears. Then Das Alte wandelt nach dem, was es sieht. Let's go there, please, because of some of you. That's Mark 5. Mark 5. Jairus. You see Jairus there, Mark 5. Markus 5. Praise the Lord. From verse Mark 5 from verse. You know this. Let me see. We will first of all read verse 22. Then we go to verse 35. 34. Amen. Markus 5, 22. Then. Mark 5, 22. No, it's not this. We will read because of time. Mark 5, 22 to 24. Then we go to 35. Amen. Amen. On va d'abord commencer avec Mark 5, 22 à 34, et puis on va lire 35. He said, and behold, here comes one of the rulers of this synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet and besought him greatly, saying, my little daughter lived at the point of death. I pray thee, come and lay your hands on her, that she may be healed. And she shall live. Amen. Amen. Then from verse 34. 34 you know, Jesus was walking on along the road, he was doing other things. Then from verse 35. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue house certain which said, your daughter is dead. Why troublest thou the master any further? As soon as Jesus heard it, you know, Jesus heard something. Jesus hat etwas gehört. Jesus a écouté quelque chose. What you hear? Was wir hören? Check on écoute. Are you getting it? You have to change what you hear. Wir müssen ändern, was wir hören. On doit changer ce qu'on est en train d'écouter. You don't hear what they hear. Wir hören nicht das heraus, was sie daraus on hören. Pas ce you les hear gens what Jesus said. Wir hören das, was Jesus sagt. On doit que Jésus Christ dit. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, be not afraid, only believe. You see it. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ici, il s'agit de Jairus. Comment s'appelle Jairus, non? il venait vers Jésus-Christ pour lui dire que sa fille était morte. Et en verset 35, il est écrit, pendant qu'ils allaient là-bas, il y a des gens qui ont dit que ta fille est morte et à quoi bon, ça ne sert plus à rien. Mais Jésus entendit ces paroles et il a dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. So believe the news. Glaub nicht an die Nachricht. Ne crois pas à ce que les gens disent. The old character, you believe the news. In der alten Natur hast du an die Nachrichten geglaubt, die Nachrichten in deinem Leben. Amen. Dans l'ancien caractère, tu as écouté et tu as cru aux nouvelles qu'on t'a données. But the new, you believe Christ. Aber the finished work of Christ. An das fertige Werk von Christus. Et dans la nouvelle nature de Jésus-Christ que tu as maintenant, tu ne considères plus les nouvelles que tu écoutes, tu crois seulement en Jésus-Christ, à l'accomplissement de son travail. You walk by faith. Tu wandelst im Glauben. Tu marches selon la foi que tu you as. You walk by Christ. Tu wandelst durch Christus. Tu marches à travers Jésus-Christ. You walk by the Spirit. Tu wandelst im Geist. Tu marches à travers ton esprit. You keep on walking by choosing Christ. Tu wandelst, indem du dich weiterhin für Jesus Christus entscheidest. Tu marches selon ta décision vers Jésus-Christ. Let us go to Romans 1. Romans 1. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 1, 16 and 17. Romans 1, 16. 16 and 17. Römer 1, 16 I love this place. Und 17. I'm not ashamed of the gospel of Christ. Ich schäme mich nicht für das I love it. I'm not ashamed. Je n'ai pas honte de l'évangile. No, some people are ashamed of it. Il y a beaucoup de gens qui ont honte de l'évangile, de prêcher l'évangile. It's like I saw a pastor said that a lady, this they got born again on the son. And the son was in a boarding house. What do you call it? Internet. Internet. Not internet. Was in a boarding house and okay. And the mother of this child said, "Don't let them know that you belong to Christ. You know, they are going to hate you. Just keep it. If you want to read the, I don't say don't read the Bible, but hide and read it." Mm. Can you see somebody ashamed of Christ? I don't know, are there really people like that? Als ist, dass seine Mutter ihm gesagt hat, dass bitte nicht darüber sprechen soll, dass an Jesus Christus glaubt, weil verfolgt wird und sich wahrscheinlich dann nicht mehr auf seine Bildung konzentrieren kann. Mm. Und deswegen soll er das bitte verschweigen. Er kann weiterhin seine privaten Bible Studies machen, beten und Bibel lesen, aber alles andere soll er bitte verschweigen, weil das bringt nur Probleme. Elle a écouté dire qu'il y avait une famille où l'enfant est parti dans un internat et la mère de l'enfant lui a dit à l'enfant vu qu'ils étaient des chrétiens, tu peux croire, tu peux lire la Bible, mais fais ça en cachette parce que j'aimerais pas que les gens le sachent. Parce que s'ils sachent ça dans l'internat, tu seras un peu. On va commencer à se moquer de toi, tu n'auras plus des amis, tu seras. Et ça va t'affecter. Et là, on voit un exemple d'une personne qui cache l'évangile. Remember Jesus said, "Whoever is ashamed of me, I will be ashamed of him on that day." Erinnert euch daran, dass Jesus Christus sagt, wer sich für mich schämt, wer sich für mich schämt, für den werde ich mich auch schämen. Rappelle-toi que dans la Bible, Jésus-Christ a dit que si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai au jour de jugement, j'aurai honte de vous. No, they are ashamed of their natural father that they are so evil. Ils n'ont même pas honte de leur père naturel qui sont vraiment méchants. They are ashamed of somebody that died for them. Mais ils ont honte d'une personne qui est morte pour eux. He said, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith." Amen. Amen. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. En effet, si l'évangile nous relève, en quoi consiste la justice de Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, en rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture. Le juste vivra par grâce et par foi. Par la foi. Our character is faith. Faith is our character. Amen. That's Christ. Unsere Natur ist Jesus Christus. Amen. It's a faith. Glaube. Ach so, ich dachte, sie hat Charakter gesagt. Okay, beides. Okay. Unsere Natur und unser Glaube ist Jesus Christus. Amen. Nein, sie hat gesagt, also, okay. Unsere Natur ist der Glaube. Und ist Faith. Jesus Christus. Und Jesus Christus. Okay. Unsere Natur ist der Glaube. Und unsere Natur ist Christus. À notre nature, c'est Jésus-Christ, et notre nature, c'est aussi la foi en lui. C'est la foi. The old you live in you, but the new you live in Christ. Im Neuen lebst du im Alten, im Neuen. Das wird so viel. Das ist durcheinander. Ich muss gleichzeitig schreiben, deswegen. Sorry, nochmal bitte. The old you live in you. Im Alten lebst du in dir. The new you live in Christ. Aber im Neuen lebst du in Christus. Dans l'ancien, tu vis de toi-même. Et dans le nouveau, tu vis en Jésus-Christ. Your character was all about you. And the new is now about Christ alone. Alten Natur, is that not wonderful? Amen. Freedom. ging es um dich selber, in dir selbst, und in der neuen Natur geht es um Jesus Christus. Amen. Amen. Amen. Dans l'ancien caractère, il s'agissait seulement de toi-même, mais dans le nouveau, dans ta nouvelle nature de Jésus-Christ, il s'agit que de lui. We live there. We live there and not visit there. We live in Christ's word. We live in faith. And not visiting. Wenn wir leben. Okay. We live in Christ's word. We live in faith. We live by it. We live it. That is where we live. And not here. We are going to choose where to live. On va choisir où vivre. On vit pas dans le naturel, on vit dans le surnaturel, on vit pas dans ce naturel, dans le naturel de ce monde, on vit en Jésus-Christ. Wir leben in Christus und nicht auf dieser Welt. We live by faith, we live in faith. Wir leben durch den Glauben. Everything for us is faith, that's Christ. Alles für uns ist Glaube und das ist Christus. That's the new character. Das ist der neue Charakter. Notre nouvelle nature, c'est Jésus-Christ et tout ce qui nous appartient. Ça consiste en Jésus-Christ. The old was about Satan here, Satan there, everywhere, self, you. But now it's Christ here, Christ there. You know, the new character. That's Christ's character. In der alten Natur ging es immer nur um den Teufel, um dich selbst, aber in der neuen Natur geht es um Jesus Christus. Dans l'ancienne nature, il s'agissait que du diable, parce qu'il s'agissait que de toi, de tes propres besoins, mais dans la nouvelle nature, il s'agit que de Jésus-Christ. Gauche et droite. It's the new is that of Christ that defeated Satan. Denn die Natur von Christus hat den Teufel besiegt. Parce que c'est la nature de Jésus-Christ qui a vaincu le diable. Praise the Lord. Hallelujah. The old was all about you. Im Alten ging es nur um dich. Dans l'ancienne nature, il s'agit que de toi. Amen. Dans la nouvelle nature, il s'agit que de Jésus. You can see the change in your life. Und das kann man in deinem Leben sehen. Et ça, on peut voir ça dans ta vie. You can see your choice. Sehen deine Entscheidungen. À travers tes décisions, on peut voir. They can see that you no longer desire what they desire. Sie sehen, the new character. Dass du nicht mehr die gleichen Wünsche hast wie vorher, weil du eine neue Natur hast. Amen. Dès que tu as la nouvelle nature, on peut voir que tu te décides que de Jésus-Christ et pas de ce monde. Tes désirs sont en train de changer. You are no longer hungry of what you are hungry of. Du hast nicht mehr den gleichen Hunger wie sie. Tu n'as même plus la même faim que ce monde. No longer see things the way they see things. Du siehst die Dinge nicht mehr so wie sie. Tu ne vois pas les choses comme le monde les voit. Amen. Amen. What they call evil is not what you call evil. Was sie böse nennen, ist nicht böse. Ils appellent comme quelque chose de mauvais et démoniaque, c'est pas la même chose que toi, c'est pas la même chose que tu appelles. You learn to live in the spirit world. Du lernst in der geistlichen Welt zu leben. Tu apprends à vivre dans le monde spirituel. Amen. Amen. You live in the spirit world and not visit. Und besuchst sie nicht. Et tu apprends à vivre dans le monde spirituel. Et tu n'y vas pas. You continue to live there. Tu continues. Lebst dort weiterhin. Tu continues à y vivre dans le monde spirituel de Jésus-Christ. To live by Christ, by choosing Him. Du lebst durch Christus, indem du dich für Christus entscheidest. Tu vis à travers Jésus-Christ quand tu commences à te décider de Jésus-Christ. Amen. How to live by Christ is by choosing Him. Wir leben in Christus, indem wir uns für Christus entscheiden. Amen. On vit en Jésus-Christ. On vit en Jésus-Christ quand on continue à le choisir. You know, a lot of us will say we live by Christ, but we never choose Him. Denn viele von uns sagen, wir leben durch Christus, aber entscheiden uns nicht für Christus, dann sind wir Lügner. Ja, beaucoup d'entre nous ont dit que oui, on vit à travers Jésus-Christ, mais on choisit jamais Jésus-Christ. Là, on just chose the flesh. Okay. We chose the natural. Friends, family, you know. It's all about them. Amen. Amen. Wir wählen immer noch das Fleisch, wir wählen immer noch die natürliche Familie, natürliche Freunde, natürliche Berufe. Quand on commence à choisir le naturel, on commence à choisir nos familles naturelles. C'est par exemple là, tu me fais voir que tu c'est pas Jésus-Christ, il s'agit de Dieu. Your new character is Christ, is your hope. Unser neuer Charakter, unsere neue Natur sagt, dass Jesus Christus unser Zuhause ist. Is my life, is my hope, is my hope. Nature, c'est Jésus Christ, c'est lui qui est ta maison, c'est lui qui est that's your new character. C'est Jésus Christ, ça ta nouvelle créature. Amen. Amen. Amen. Nothing can change the natural character except Christ. Amen. Niemand kann die Natur ändern, nur Jesus Christus. Il y a personne qui peut changer la nature sauf Jésus-Christ. You know the good of this world and the bad. You know people can change the evil, the good, the what man call good to become bad, but to erase the old character is only Christ. Der Mensch schafft es zwar aus dem Guten das Böse zu machen, aber er schafft es nicht aus dem Bösen das Gute zu machen. L'homme peut essayer à changer le bien et le changer en devenant le mal, mais quelque chose qui est mal le changer à devenir quelque chose de bien, l'homme ne peut pas le faire. Christ's kingdom is your home. Das Königreich von Jesus Christus ist dein Zuhause. Le royaume de Jésus Christ, c'est notre maison, c'est notre maison, notre foyer. Christ become your lifestyle. Und Christus ist dein Lebensstil. Et Jésus Christ devient notre. I'm no longer Satan. Und ich bin der Teufel. Because one of them is going to be your lifestyle. Denn einer von ihnen wird dein Lebensstil beherrschen. C'est Dieu ou le diable qui va régner dans ton mode de vivre. C'est Jésus Christ qui devient ton mode de vivre. You live there, you stay there, you remain there. Und du bleibst da. Du lebst da, du bleibst da. Weiterhin. Christ truth. In seinem Königreich. Dans la vie, dans le royaume du ciel, tu apprends à vivre, à faire des histoires comme Jésus-Christ. Remember Galatians 5. Dans Jésus, à travers Jésus-Christ. On va lire Galates 5. Praise the Lord. That's how Satan cannot steal your joy, your peace. So kann der Teufel dein Frieden und deine Freude nicht kontrollieren, wenn du im Geist lebst. Et c'est comme ça le diable ne peut pas contrôler ta paix et ta joie quand tu vis dans le monde spirituel. Amen. Amen. If you continue to live, then no Satan can steal your joy, your peace. Wenn du weiterhin da lebst, kann der Teufel nicht deine Freude und deinen Frieden stehlen. Because whatever is of Christ, they are permanent. Du hast auch immer von Christus und ist beständig. Parce que tout ce qui vient de Jésus-Christ reste le même, ça ne change pas. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 5:25. I love this place so Galatians 5. He said, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Amen. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Let us continue in the Spirit. Let us live in the Spirit. Lass uns weitermachen, Geist. Let us be rooted in his Spirit. Lass uns verwurzelt sein im Geist. Conduisons-nous selon sa volonté. On reste, qu'on puisse rester dans sa vérité. On puisse rester aussi dans sa volonté. And verse 26 says something. Look at verse 26. He said, let us not be destroyers of vain glory. Desires, thank you. Of vain glory. Vain glory. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. What man call joy, what man call good, what man call happiness. L'air à whom? Amen. Vain glory. Ne soyons pas vanitieux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Lass uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Amen. Let us not be destroyed to of vain glory, provoking one another, envying one another. Praise the Lord. The old was full of vain glory. In der alten Natur ging es um so viel Leben, voll Eifersucht. Dans l'ancienne vie, il s'agissait de beaucoup, il y avait beaucoup de jalousie, il y avait beaucoup de vanité. Il s'agissait toujours dans ce monde naturel qui est vanité. No, full of hatred, bitterness, voll von Hass und Unvergebenheit. Amen. Plein de la haine, plein de. You know your old character. Denn du kennst deine alte Natur. Ich kenne meine alte Natur. And we have to believe that it's dead and buried. Wir müssen glauben, dass sie tot und begraben ist. Amen. Notre ancienne nature. On doit croire qu'il est mort et il est qu'on l'a aussi enterré. You know, when I was in that old character, I was so proud of it. Als ich diese alte Natur hatte, war ich stolz auf diese alte Natur. Avant mon ancienne nature, j'étais fier de ma propre nature. Mm. I did not know that I was proud of Satan. Ich wusste nicht, dass ich stolz bin auf den Teufel. Mais je savais pas que j'étais vraiment fier du diable. Somebody gets in it. You know, because you know, my mother, she was so quiet. Somebody gentle. Mutter beispielsweise war jemand sehr sehr ruhiges, sehr She hardly speak. She just and she's everything is always I'm sorry. Even though she's not wrong. Ma mère, she apologized all the time. Naturel, ma mère était très, une dame très très polie, très humble, très très calme. And you know, she was the last of my father's wives. And she was like a slave to my stepmother. She was the one doing everything at home. Why that one is just collecting the money? Und, my mother said for her. Because my mother was, because there were, how many wives? 9 or so. But there were remaining 2 at home. My stepmother and my mother. But my mother was the last. And my mother was always working to satisfy my stepmother. Meine Mutter war sozusagen die letzte angeheiratete Frau meines Vaters, weil mein Vater 9 Frauen hatte. Und als letzte angeheiratete Frau war das so, dass man halt dann auch oft die Jüngste war und deswegen auch die ganzen Arbeiten verrichten musste für die älteren Frauen, die im Haus waren. Und deswegen war meine Mutter wie eine Sklavin fast für die anderen Frauen meines Vaters. Mon père avait, and they were dealing with her seriously. Mon père avait 9 femmes. Elle avait 9 femmes et ma mère, elle était la dernière, elle était aussi la plus jeune et elle se comportait aussi comme une esclave. Oui, elle n'avait rien à dire. And they were dealing with her seriously. Und sie haben sie sehr hart angenommen. Et ils l'ont traité comme une esclave. My father was not the type that was quiet, very hot and can fight everybody. My stepmother, my mother had to please hear, and was so quiet. And I hardly even know that she was my mother until I was so grown up. Because I was calling her sister. I thought she was our house girl or somebody like that. I did not know that she was even my mother. Because the one we call our mother is our stepmother. We never call her mother. Then later, as mom noticed that she's my mother, said, I started asking her, why are you in such place? I don't like it. I said, why did you even marry my father? After so many wives, he said he bought a machine for sewing clothes for me. That's why I married him. And what big pot? The big pot, my mother is carrying it every day. Big pot. Can you see why? And top. Machine for sewing clothes and Genau. Und mein Vater selber war jemand, der sehr ein sehr krasses Temperament hatte. Ne? Also sehr krasses Temperament und sehr aggressiv. Ne? Er hat sich mit jedem angelegt. Und die Frauen im Haus, die eine Frau, die sozusagen diese Hauptfrau war, die hatte auch ein sehr krasses Temperament. Und deswegen ist meine leibliche Mutter dann wirklich so darunter echt untergegangen. Musste immer wieder die Person stillen, sich hier entschuldigen, sich da entschuldigen, sich hier rechtfertigen. Und einfach versuchen, sich durchzukämpfen. Und erst mit ersten Teenageralter habe ich überhaupt verstanden, dass es meine Mutter ist. Vorher dachte ich, das wäre einfach nur irgendeine Haushälterin, weil die Art und Weise, wie mit ihr umgegangen worden ist. Und dann, als ich dann verstanden habe, dass sie meine Mutter ist, habe ich sie dann gefragt, wieso bist du eigentlich in diesem Haus? Also, wieso hast du meinen Vater überhaupt geheiratet, wenn so mit dir umgegangen wird? Hat sie gesagt, ja, dein Vater hat mir eine Nähmaschine geschenkt und einen großen Topf. Und deswegen habe ich ihn geheiratet. Quand j'étais petite, chez nous à la maison, ma mère, elle était comme une femme de ménage dans la maison. Et je ne savais même pas qu'elle était ma mère, vu qu'elle était toujours humble, elle devait plaire à tout le monde, elle devait toujours faire ce que la première femme disait de faire. Et mon père est aussi la première femme de mon père. Elles avaient des tempéraments trop chauds, là. Et une fois, j'ai su qu'elle était ma mère, après... quand je suis devenue une jeune fille, j'ai su que c'était elle ma mère. Et là, je lui ai demandé, mais pourquoi tu es ma mère? Moi, je pensais que tu étais comme une bonne femme de ménage. Et pourquoi tu as même marié mon père? Et elle m'a dit, oui, il m'a acheté une machine à couture à coudre et un kalungu zunga mnen ben on est en français une grosse marmite merci maman une grosse marmite et c'est pour cela que je l'ai mariée. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And I said, hey, because of what you married him. He said, yes, it's better than where I'm even coming from. Where I'm coming from, the one cooked the whole food for a restaurant. And it was a very big restaurant. And my mother had to grind pepper. You know, no machine to grind pepper. The stone, you use it. All the cooking, everything, because it was staying with her auntie that just took, you know, when they take. If you have been to people's, you know, if you are not with your parents and that people have, you are with one auntie or the other, you will be very strong. Mm-hmm. Und meine Mutter hat gesagt, ja, da woher ich komme, ist das tausendmal besser, dieses Angebot zu nehmen und in diese Heirat anzugehen, als einfach da zu bleiben, wo ich war. Denn sie hat halt in einem großen Restaurant, war sie halt für das Kochen und das Saubermachen zuständig. Und das war nicht so wie hier, wo du dann deine Schürze bekommst und deine kleinen Handschüchen dazu, die passen, sondern deine Maschine hast, deine KitchenAid und sonstiges, sondern das hast du alles mit der Hand gemacht und das nächtelang. Und das war halt wirklich eine Qual für sie. Und deswegen war sie dankbar, dass jemand sie heiraten wollte und ihr sogar was dazu geschenkt hat. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi tu as juste marié seulement, tu t'es juste marié parce qu'on t'a donné un cadeau comme ça. Et elle a dit que ça c'était même mieux que comme je vivais avant, parce qu'avant elle vivait chez sa tante et elle cuisinait pour tout un grand restaurant et elle devait même, comment on appelle, pelouser les piments qui... Parce que you know pepper, les, how hot it is. Piments, c'était pas bien par exemple, non? Et c'était encore plus grave que vivre chez ses parents qui chez le nouveau mari en fait qui l'a commandé et qui était si sévère et agressif envers elle. The day she hardly sleep for 3 hours throughout the night. They walk. But her hand even up to that even when she was not even with my father, she was the one doing everything because she was used to doing everything before. So that is why when she was now were doing everything for my stepmother, she did not even see it as a problem. Because she was doing what was more than that somewhere else before coming there. Und diese Arbeitsweise, dass sie am Tag oft nur 3 Stunden geschlafen hat, damals, als sie noch in diesem Restaurant gearbeitet hat, das ist bei ihr so krass drin gewesen, auch in ihrer Haut, in ihren Händen zeigt sich das, weil dadurch, dass sie immer dieses Pepper halt mit den Händen halt klein gemacht hat, waren ihre ganzen Hände sahen halt auch dementsprechend aus. Und als sie dann im Haus meines Vaters war, hat sie halt weitergearbeitet, weil sie einfach zu diesem Arbeitstier gemacht worden ist in dieser Restaurantphase, dass sie dann halt auch in der Familie einfach es gewohnt war, einfach jedem alles hinterherzutragen und einfach alles zu machen und das für selbstverständlich zu sehen. Et vu qu'elle dormait presque jamais, elle dormait par jour seulement que 3 heures, et elle travaillait pour un grand restaurant, elle faisait vraiment tout, et du tout et de rien, et travaillait avec le piment qui était vraiment très dangereux pour elle. Quand elle s'est mariée avec mon père, vu que là aussi elle faisait tout, mais c'était pas grave parce qu'elle était habituée à faire de plus en fait. Et c'est pour cela pour elle c'était mieux. She left Egypt. Egypt did not leave her. Elle est sortie de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'elle. En fait. That's how she trained all of us. That I don't, my father, mothers, I don't do anything. She just prepare for wash our clothes. She was so used to work. So what I'm saying is that when I saw how the people were dealing with her, how they punish her, I was the type that was so quiet. But I now learn to be very hot. Und, because I did not want anybody to deal with me how they were dealing with her. Und ich erzähle hier diese ganze Geschichte, um euch klar zu machen, dass wie halt meine Natur sozusagen entstanden ist. Dass ich war früher jemand, der sehr zurückhaltend war, sehr ruhig und schüchtern war. Aber als ich dann gesehen habe, dass diese Frau, die so schlecht behandelt wurde, meine eigene Mutter, habe ich mir gedacht, boah, so wird mit mir niemand umgehen. Und deswegen bin ich so, bin ich ein so aggressiver und sehr lauter Mensch geworden, damit keiner mich so verletzen kann und mich so missbrauchen kann, wie es mit meiner Mutter passiert ist. Et quand j'ai compris que donc ma mère avait une vie très difficile là-bas, quand j'ai compris et j'ai appris que c'était elle ma mère, et j'ai de nature, avant j'étais une personne très calme, très humble, mais quand j'ai compris que c'était elle ma mère, là j'ai appris à faire être le contraire d'elle. J'ai appris à être agressive et à dominer des personnes parce que je ne voulais pas qu'on puisse jamais me traiter dans ma vie comme on l'a traité à elle. C'est pour cela que j'ai commencé à avoir ce caractère là que j'avais. I became so hot that I fight everybody, and you know, nobody dare come to me, and you know, and I was so proud of it. Und ich wurde so, so proud. Aggressiv, dass Leute and Angst rejoicing vor mir it. Ich wurde so aggressiv, dass Leute Angst vor mir haben. Ich habe mich mit fast jedem geprügelt oder jedem angelegt. Es war mir egal, ob die Person kleiner oder größer war als ich. Und ich war stolz darauf, dass Leute Angst hatten vor mir. Et après ça, j'ai appris à me combattre, je commençais à me combattre avec tous les gens, même si tu es plus grand ou bien tu es mineur, je m'en fous. J'ai commencé à avoir un caractère vraiment très agressif, très méchant, parce que je ne voulais pas que quelqu'un puisse me traiter bizarrement comme on traitait ma mère à la maison. Et ça me plaisait, j'étais vraiment fière d'avoir ce caractère de gangster. Comme. You can see that character also comes from environment. Deswegen, zum Beispiel, hier seht ihr, dass der Charakter, also die Natur auch aus deiner Umgebung kommt. Et quand tu comprends cette histoire, tu comprends aussi que cette nature humaine que j'ai commencé, que quelquefois on a, c'est aussi basé aussi sur l'environnement qu'on a où on vit. The old was of vain glory. That's the old character. Die alte Natur war voll von leeren Ruhm. Vain glory. Vain glory. Vain glory. Mon ancienne nature, c'était basé sur une gloire en vain, une gloire qui Galate 5, Francis Macris, ça aussi, tu peux lire ça. C'est ça que je voulais dire. Là, aussi, je n'ai rien de construit. 26. Mm-hmm. Yeah, 26. Avénité et évitant de nous provoquer les autres et de nous jalouser. Galate 5, 26. On va ça, c'est ça? Lisez-le, vous. Lâchez-le, ah, ok, là, ne soyons pas vaniteux. Et évitant, ils ont dit seulement vaniteux et évitant de provoquer les uns et les autres de nous jalouser mutuellement. Praise the Lord. Amen. The old was vainglory. I was so proud of it, not knowing that I was proud of Satan. Und ich war so stolz auf diesen leeren Ruhm und wusste nicht, dass ich stolz auf den Teufel bin. Et moi j'étais vraiment si fière de cette gloire, vanité de gloire que j'avais, et je ne savais même pas que j'étais fière du diable en fait. Though it was giving me what I wanted. Amen. It was giving me that, you know, that nobody can deal with me like they did with that we are dealing with my mother. Und es hat mir but etwas it was gegeben. Not of Christ. Und es hat mir auch etwas gegeben. Ich habe das bekommen, was ich wollte. Keiner hat mit mir irgendwie sinnlos geredet oder sich getraut, mich hochzunehmen oder sonstiges. Es hat mir schon was gebracht, aber es war nicht von Christus, es war vom Teufel. Et ça m'a aussi que ce caractère-là, ça m'avait aussi satisfait, ça me donnait aussi ce que je voulais, ce que j'avais besoin, parce que je me disais, avec ce caractère, personne va blaguer avec moi. Et je savais pas que c'était pas quelque chose qui venait de Jésus-Christ, mais ça me faisait du bien personnellement. Christ was having a character. Christus hatte eine Natur, als er gekommen ist. Jésus-Christ avait une nature quand il est venu. His character was he believed his father. Seine Natur lag darin, dass er an seinen Vater glaubte. Amen. Amen. Amen. Et son, Amen. Sa nature, c'était qu'il croyait à son père. So our character is that we believe Christ. Amen. We never doubt him. Amen. Und so liegt auch unsere Natur darin, dass wir an Christus glauben und nicht anzweifeln. Et c'est comme ça notre nature doit être, notre caractère, notre nature, notre personnalité. No, Ephesians 4. Let's go to Ephesians 4. Ephesians 5. Praise the Lord. Ephesians 5. Ephesians 4. Donc notre nature doit être qu'on ne doit pas douter à Jésus-Christ. Ephesians 4, pardon. Ephesians 4, verse, let me see. Ok, from verse 20. Ephesians 4:20. Amen. Amen. It says, but you have not so learned Christ. We are to learn Christ. We learn it. Wir lernen Christus. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Jésus-Christ. On apprend Jésus-Christ. So, can you help us to read verse 20, Chet? Ich habe Christus nicht so kennengelernt. Amen. Amen. Phyllis, can you help us to read 21? 21 maintenant. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und, ihm, und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. If so be that you have heard him and have been taught by him, can you see our teacher? Mm. It's Christ. Amen. Christ is our teacher. Amen. That's the Holy Spirit. Amen. Amen. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est qu'on, qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qu'il est conformé à la vérité et en Jésus-Christ. He said, as the truth is in him. Can you see it's all about him? Amen. Is it skin? You are taught by him. The truth is him. Que the kingdom is him. Amen. La vérité en Jésus-Christ et en lui. Then in verse 22, that you put off concerning the former conversation, the old man. The old man, the old character. Is somebody getting it? Die alte Natur. The old system, the old law, the old ways. The old provocation. Easily provoked. C'est là consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous aviez autrefois et qui se comportait en suivant des désirs trompeux. Your character full of self. Die alte Natur war voll vom Selbst. L'ancien caractère, notre ancienne manière était plein de Praise the Lord. He said, which is corrupt according to the deceitful lust. And be renewed in the spirit of your mind. Amen. Amen. And that you put on the new man, the new character. Is somebody getting it? You learn to put him on. To act on the new character. And the new character. Et à être renouvelé quand à votre esprit et votre intelligence et vous avez revêtir de l'homme nouveau. On doit revêtir l'autre l'homme nouveau en nous. Which after God is created in righteousness and true holiness. Do you see it? Créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. Amen. How do you do that? You remember the finished work of Christ. Amen. Wie tun wir das? Nehmen wir uns an das fertige Werk von Jesus Christus erinnern. Ça se passe se rappelant à la à l'accomplissement de son travail. You remember to believe him and never to doubt him. Because he walked by principles. An ihn zu glauben und nicht anzuzweifeln. Er arbeitet durch Prinzipien. Amen. On doit se rappeler à lui croire et de jamais lui douter parce que c'est son principe. Praise the Lord. Hallelujah. Put on the new man. C'est un nouveau man. Your new character. Amen. You learn it. Die neue Natur. Et on l'apprend à revêtir l'homme nouveau en nous. C'est ça, c'est notre nouvelle nature. You learn it. You learn to put him on. Amen. On apprend à le renouveler, à le revêtir. You are not born naturally with it. Denn du wurdest nicht damit geboren. Parce qu'on n'est pas né naturellement avec ça. You were born into this world and now born into Christ's world. And you learn to live in Christ's world. Amen. Wir wurden in Christus Welt hineingeboren und lernen jetzt dort zu leben. On est né dans ce monde ici et on apprend à être. Et maintenant qu'on est né de nouveau, on doit apprendre à vivre, à avoir notre manière d'être en Jésus-Christ. And that's why Satan has a lot of advantages in his side. Deswegen hat der Teufel sehr viele Vorteile. C'est pour cela le diable a beaucoup des avantages. If you look at him, he's not afraid of you being born again. But the truth, for you to accept the truth, for you to be able to even know the truth, the child that will even teach you the truth, it's a big deal. Because indeed, you can see internet everywhere is full of, you know, he has his own teaching everywhere. Denn der Teufel hat nicht Angst, dass du wiedergeboren wirst, sondern Angst davor, dass du die Wahrheit erkennst und in eine lebendige Gemeinde gehst, die die Wahrheit beibringt. Le problème est que l'avantage du diable est qu'il n'a même pas peur que tu puisses être né de nouveau. Il a peur que tu puisses partir dans une église vivante et que tu puisses connaître la vérité. Praise the Lord. Alléluia. You learn it. Wir lernen das. C'est une chose qu'on apprend. So keep on putting him on. Wir lernen ihn weiterhin anzuziehen. Et là, on apprend toujours à revêtir. Until become your lifestyle. Bis dein Lebensstil wird. Qu'il puisse devenir notre mode de vivre. Until you don't live there continuously. No longer. Bis wir da beständig leben und nicht immer rein und raus sind. No longer on and off. Tu dois apprendre à y vivre jusqu'à ce que ça va devenir quelque chose de automatiquement, ça va devenir quelque chose de naturel pour toi. You learn to live in Christ's world. Tu lernst in der Welt von Christus zu leben. Tu apprends à vivre dans le monde de Jésus-Christ. The Holy Spirit is our teacher, not man. Der Heilige Geist ist unser Lehrer, nicht Menschen. Le Saint-Esprit, c'est notre professeur et pas l'homme. What I teach is coming from him and not from me. So he is your teacher, not me. Amen. Amen. He has, but you have to go through a vessel. Amen. Is somebody getting it? Was ich predige, kommt nicht von mir, sondern es kommt von Christus, aber er geht durch ein Gefäß. C'est que moi je prêche, ça vient pas de moi, ça vient de Jésus-Christ. C'est lui qui travaille à travers moi, à travers le vaisseau. He is your root. The root is your source. Erst deine Wurzel. Are you getting it? Ist deine Quelle. Er ist mein. Erst deine Wurzel und die Wurzel ist die Quelle. Ah, okay. Il est notre racine et la racine c'est notre source. Amen. Amen. He is your source. Er ist deine Quelle. Il est notre source. He is your healer. Er ist dein Heiler. He is your provider. I'm not your provider. I'm not your healer. Ich bin nicht dein Heiler. Ich bin nicht. Amen. Amen. Moi je suis pas la personne qui va te guérir, c'est Jésus-Christ. Je suis pas. I'm just a messenger. Ich bin einfach ein Bote. Moi je suis seulement un messager. And that's why people are fighting against Christ. They don't even see it as my business. It's their business. Mm-hmm. Because they are fighting Christ. Mm-hmm. You can preach it. Put it out in the internet. They are fighting. They are saying not come from whatever they like. Let them say whatever they like. You are going to give account to him. Und selbst wenn sie dich verfluchen wegen der Wahrheit, die Wahrheit ist Jesus Christus. Und deswegen müssen sie sich mit ihm bei ihm rechtfertigen, nicht vor dir. Et c'est pour cela même si les gens sont en train de te maudire parce que tu es en train de leur donner la vérité de Jésus-Christ, eux ils ont un problème avec Jésus-Christ, pas avec un papa, ils ont pas un problème avec toi. Jesus also came here and learned. Let's go to Hebrew 5. He came here and learned. You have to learn. On va lire Hébreux 5 parce que même Jésus-Christ était venu ici et il a appris. Hébreux 5. Even him himself have to learn from verse 8. Hébreux 5 8. Hébreux 5 from 8 to the end. 8 à la fin. 8 bis zum Ende. Amen. He said, though he wear a son, yet he learned his obedience by the things which he suffered. He learned. Amen. Et s'il est écrit que bien qu'il était un fils de Dieu, il a appris à obéir par tout ce qu'il a souffert. Praise the Lord. Hallelujah. In heaven, there is no suffering. You have to learn to suffer here. There's no suffering in heaven. Es gibt kein Leid in heaven. Parce qu'il n'y avait pas de souffrance au ciel. Et c'est pour cela que même Jésus-Christ a dû apprendre à souffrir. When he came here, when he could see no suffering, then we have to learn to suffer. So also, we learn. That is why the Bible calls it exercise. You learn something that you learn it and keep on learning it until it becomes your lifestyle. Amen. Amen. That's Christ's word. Wir müssen das lernen, damit es unser Lebensstil wird. C'est pour cela la Bible l'appelle aussi comme un exercice. On doit l'apprendre jusqu'à ce que ça devient quelque chose de naturel et automatique pour nous. And in verse 10, he said, "I'm being made perfect." He became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Can you see it? He learned and learned and learned and he became perfect. Mm. Can you see it? Il est, so. et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissaient leur l'hôte d'un salut éternel. You have the same Holy Spirit that helped him to learn. On a même le même Saint-Esprit qui a aidé Jésus-Christ à apprendre. C'est le même Esprit. The Holy Spirit is our helper. Amen. Le Saint-Esprit est notre professeur. So that load is not, it's not heavy at all. Amen. Because Christ is walking in it. Amen. Christus selbst trägt nicht du. Et cette La difficulté de cette chose, ça ne nous appartient même pas parce que c'est le Saint-Esprit qui nous apprend et ça appartient à Jésus-Christ lui-même. The problem is not heavy at all, because if it is heavy, it means you are the one carrying it. Ce problème n'est pas, ça ne doit jamais être difficile pour toi. Quand ce problème est difficile pour toi, ça signifie que c'est toi qui es en train de porter ce problème et ce n'est pas Jésus-Christ qui le porte. Praise the Lord. Hallelujah. He's able to carry everything. Amen. Amen. Il est capable de prendre tout. C'est comme unto me, all you that labor. I will give you rest. Matthieu 11, on va lire Matthieu 11. Praise the Lord. Hallelujah. Your daddy said he will give you rest. Amen. Das Ägypte. Amen. Récipient peut-être. Ok, we are there. Matthew 11. We are going back to Hebrew, but first Matthew 11 from verse 26. Are we there, please? From verse 26. Everybody go there. Matthew 11 from verse 26. Let me say 27. 27 is okay. He said, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son, but the Father. You know, no one knows you but Jesus Christ. Matthew 11, 2. He's the only one that knows you. Are you getting it? See, Jesus is saying the same thing here. That we are to even be saying, no one knows me except only Christ knows me. Amen. That's what Jesus is saying here. Personne ne connaît le Fils si c'est le Père. And no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son. And he to whosoever the Son will reveal him. Amen. Hmm. Et personne Okay, verse 28. Come unto me, all you that labor and are heavy laden. I will give you rest. Amen. Is that so? You know, it's Venez so simple moi, that we cannot even understand it any longer. Accable sous les poids. Dans l'eau fardeau et je vous donnerai le repos. We love to carry load. But he said, he said to you that I love to carry load, not you. Amen. You should love it. Amen. Ich liebe es, Last zu tragen. Ich will die Last für dich Amen. Tragen. Nous, quelquefois, on aime bien avoir ces fardeaux lourds sur nous, mais Dieu nous dit ici que c'est lui qui veut faire ça pour nous. You want to say? I have a question. Okay. Okay, you can ask this. Okay, ask this now. Meine Frage ist also, der Heilige Geist ist ja unser Beistand, wenn wir zum Beispiel lernen, die Charaktere oder die Natur von Christus anzunehmen. Mm-hmm. Aber meine Frage ist also, es ist ja einerseits trotzdem Training, also Disziplin, mm-hmm. ne? Mm-hmm. Aber andererseits soll ich auf Christus gucken. Und manchmal finde ich das, also manchmal ist das, finde ich das schwierig, diese Mitte zu finden zwischen, ich schaue halt nur auf Christus und nicht halt auf mich selber, indem ich versuche, mit meiner eigenen Kraft sozusagen, meine Charaktereigenschaften, ich habe die ja schon, aber ich meine auszuleben, aber andererseits mich dann zu trainieren, also wisst ihr, was ich meine? You will ask it later, please, okay. Don't keep it first, okay. Because it seems it's long a little bit. Okay. He said, come unto me, all you that labor, and are heavily laden, and I will give you rest. Now the question you ask, Susie, is very important. Please don't forget it. Mm-hmm. We'll go there later. He said, take my yoke upon you and learn of me. Learn from me. Prenez mon joug sur vous. Learn from me. Émettez-vous. I see my father, you are to see me. Mm-hmm. Are you getting it? Amen. He learned to see his father. Amen. That's how he was able to achieve it. Mm-hmm. And so also we learn to see him. Wir lernen ihn zu sehen. On va apprendre à lui voir. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Can you see it? Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile, et porté est le char, et la charge que je vous impose est légère. It's not from him. Amen. Amen. Amen. I've not done this, I've not done that, I've not done it. You know, he is the doer. You are no longer the natural man. Yes, you are the doer. You are the doer. We are the doer. That was the old character. But now it's Christ the doer. Amen. You depend on him. Amen. Denn früher war war was du selbst, deine alte Natur, was du selbst der Macher, aber jetzt ist Jesus Christus der Macher, du verlässt dich auf ihn. Et avant, dans notre ancienne nature, c'était nous la personne qui travaillait, qui faisait tous les efforts. Mais dans la nouvelle nature, c'est Jésus-Christ qui fait les efforts. C'est lui qui travaille pour nous. On doit apprendre à lui faire confiance. Allow him to be the doer of everything. Lass zu, dass er der Tour von alles ist. On doit vraiment apprendre à lui laisser faire. Amen. Amen. In your studies, allow him to be the doer. Amen. In everything. Selbst in deiner Uni, lass zu, dass er der Macher ist. Même, même quand tu étudies dans tes études, tu dois vraiment te laisser à lui, donc que tu puisses toujours compter sur lui. The Holy Spirit is a gentleman. And he loves invitation. Le Saint-Esprit, lui, c'est un gentleman. You invite him all day, all the time. Il a toujours invité le Saint-Esprit. Don't have him for decoration. Le Saint-Esprit n'est pas là pour la décoration. Il est notre assistant. On doit toujours. How do you remember that you invite the Holy Spirit? You remember Jesus. You remember the finished work. The Holy Spirit, we just start working. Amen. That you know. That you have a father that works for you. Amen. Amen. Amen. Tu dich erinnerst, du ein Vater, der für dich arbeitet. Et comment on se rappelle du Saint-Esprit? On invite le Saint-Esprit, c'est quand on se rappelle toujours de Jésus-Christ, quand on se dit qu'il a déjà tout accompli sur la croix. Back to Hebrews 5, please. On va rentrer à Hébreux 5. Verse 10, it's a call of God and high priest after the order of Melchizedek. Can you see it? A high priest. He was not supposed to be able to be a high priest. That's why we are qualified today. Amen. Amen. Amen. Et Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre selon la ligne de Melchizedek. He said, for whom, verse 11, we have many things to say and heart to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Amen. Amen. You are dull of hearing. Wir sind taub geworden vom Hören. Car vous êtes, il a dit ici, c'est un sujet lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. He said, for when, for the time you ought to be a teacher, you have need that one teach you again. Are you getting it? People, the new people that is coming today, somebody coming today is teaching you. You have to, you know, you tell, you know, praise the Lord. Hallelujah. He said, which be the first principles of the oracles of God? And I become such as have need of me and not of strong meat. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Verse 13. For everyone that uses meat is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Are you getting something here? Yeah. Celui qui continue à se nourrir ne l'est n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce que la vie juste, car c'est encore un bébé. A babe that you know is easily provoked. It's even just get it. 5:13. A babe that is easily provoked. Ein Kind, was sich schnell provoziert. Are you getting it? Un bébé qui se sent provoqué à chaque moment. That is their servant. Is that maman? Sorry. That's maman. Okay. That is, you know, before you. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. You know, a babe that is that the next thing is he can is there's fear everywhere. The next news, yeah, it threaten you. The news of whatever, you know, there are a lot of news that can threaten us. Wie ein Kind, was so zerbrechlich ist in seiner Sicherheit, in seinem Frieden, in seiner Freude, was vom Wind hin und her geweht werden kann, sobald etwas passiert oder nicht passiert. Quelquefois, à cause de nos préoccupations, quelquefois, on réagit comme des bébés qui sont à chaque moment. Moment, ils sont prêts à être, ils sont prêts à être provoqués, ils sont prêts directement à pleurer parce que il y a quelques des histoires de ce monde sont en train de te soucier. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. A babe. But to know what when Bible call you a babe, it means you are still of the flesh. You are still carnal. Full of carnality. Amen. Immer noch voll von Fleischigkeit. Quand la Bible, comme la Bible ici nous appelle des bébés, ça doit te faire voir que ce sont des gens qui sont, quand on est plein de charnalité, on est charnel, on voit que ce qui se passe dans ce monde. You never submit to Christ. Never see Christ. You still see yourself. Un bébé still qui all about ne you. Dépend pas de Jésus-Christ. Qui dépend de Jésus. And it in Jesus' name. Amen. And it is for you. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Verse 14. The strong meat belongeth to them that are full age. Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Can you see? Les adultes, quand à eux prennent la nourriture solide par la pratique, ils ont exercé leur faculté et distinguent ce qui est bien de ce qui est mal. Praise the Lord. Alleluia. Until you learn, you never grow. Est-ce que vous lernez, wachsen wir? On est en train de on devient mature quand on est en train de des adultes quand on est comme quand on commence à pratiquer à s'exercer. A lot of us we are not learning. Viele von uns lernen nicht. Et nous on n'apprend jamais on s'exerce. One step forward, two, three steps backward. Wir machen zwei Schritte nach vorne und drei zurück. On fait juste un pas en avant et deux pas en arrière. Amen. Amen. Let it be forward ever, backward never. Dass du immer wieder nach vorne gehst und nicht mehr zurück. On doit vraiment apprendre à faire toujours des pas en avant et jamais des pas en arrière. In verse 14, again, it says, but strong meat belongeth to them that are full age. Even those who by reason of use have their senses exercised. You exercise it. It's like exercise. You train it. You keep on choosing Jesus. You keep on believing him. Tu t'exerces quand ta décision est toujours Jésus-Christ et quand tu toujours. C'est to discern both good, what God called good, what man called good, and what man called good, evil, what God called evil. You learn and not know the difference between all. Du lernst das, was Christus gut nennt und was Christus schlecht nennt. Là, tu apprends à distinguer ce qui est bien selon Dieu et ce qui est mal selon Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. On va lire 1 Timothée. On va lire 1 Timothée. 1 Timothée 4, 7 and 8. 1 Timothée 4, 7 à 8. Timothée 4, 7 à 8. He said, but refuse profane and old wives' fables, and exercise yourself rather unto godliness. Amen. Are you saying something there? Amen. He said, for bodily, and come here, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is. And of that which is to come. Amen. Praise the Lord. L'exercice physique est utile et à peu de choses. Les piétés, elle est utile à tout puisque qu'elle possède la promesse de la vie pour la présent, pour le présent et pour l'avenir. It is exercise. You keep on believing and believing and believing and believing. You are growing. Amen. There's no starting. On doit exercer notre foi. You keep on choosing him. Und wir entscheiden uns immer wieder für ihn. Amen. Es gibt keinen Stillstand. Du akzeptierst ihn nicht in einem Thema und verweigerst ihn im nächsten. Pour un thème et dans l'autre thème tu le rejettes. Everything of Christ, they are all of another alles von Christ, another character, another kingdom. Tout ce qui concerne Jésus-Christ, c'est différent de ce du nature. They are different from here. Cette nature. Another kingdom, another world, another life, another way, another thoughts. Are you getting it? Amen. Amen. Another character, another name, amen. Another address, another love, another motive, joy, everything. Alles ist einfach neu, value, desire, neue thoughts. Freude, neue Entscheidungen, alles. You know, your old choice and your new choice, they are different. Les choix sont différents. On a toujours des nouveautés. C'est nouveau, c'est différent. Amen. C'est pas la même. Even another cry and weeping. You know, you still cry now, but you cry the cry of joy. Amen. The cry of praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. It's no longer the old cry. Amen. You are still sad now, but there's no need the sadness of praising Christ. And no longer the old. Amen. Und du hast keine weltliche Trauer mehr oder weltliche Freude mehr, sondern du trauerst, wenn du in Christus oder du freust dich in Christus. On n'a plus les tristesses de ce monde, on a plus les tristesses de ce monde, on n'a plus les regrets de ce monde, on a seulement la joie de Jésus-Christ. Another weeping, I'm not everything of another. Amen. Donc, même si on pleure, c'est différent. Another blood. Another blood. Amen. Another blood. Can you get it? Praise the Lord. Amen. No longer the old blood. And that's people that have, especially people that have blood problems. I heard of people having blood problems. For you to have, be a child of God and have blood problems, you have a big problem. More than the natural people. Als ein Kind Gottes Probleme mit deinem Blut zu haben, ist ein großes Problem. Quand tu es un enfant de Dieu et tu as un problème avec ton sang, des anémies, des histoires comme ça, là tu as encore plus de problèmes que les gens de ce monde qui sont malades. Jesus came to give us another thing. Everything is of another. Parce que Jésus-Christ est venu nous donner quelque chose de nouveau et tout est nouveau, tout est différent. Can you believe that you have a new blood now? Can you believe it and live it? Est-ce que tu peux y croire que tu as un nouveau sang maintenant? Est-ce que tu peux y croire et y vivre? Und diesen Glauben ausleben? Another parents. Another brothers and sisters. Tu as une nouvelle famille. Can you see? Another family, another friend. Neue Geschwister, neue Freunde. Praise the Lord. Amen. Even another boss, another chef. Gibt's einen neuen Chef? Un nouveau chef. You know, the old chef is a person. But the new chef is Christ. Amen. Amen. That's your chef in your place of war is not your chef. Your true chef is Christ. Amen. Parce que ton ancien chef, c'était une personne, c'était quelqu'un, un chef, ton boss du travail. Mais ton nouveau chef, c'est Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. On ne considère pas l'ancien. The old chef was a person, was flesh. Denn der alte Chef war ein Mensch aus Fleisch und Blut. L'ancien chef, c'était la chair, il était charnel. But now it's spirit. Amen. It's Christ. Et maintenant c'est spirituel, c'est Jésus-Christ. Christ is your boss. Amen. Jésus-Christ, c'est lui notre chef. Even the Old and New Testament. Selbst das Neue und Alte Testament. Mais yeah, old and new characters. Amen. Das die alte Natur, die neue Natur. On voit même que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a deux natures différentes. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. So we close here, please. It's already three, hold on. Another time. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please. Your question, please. I want to give people time to ask questions. Mm-hmm. You have any question for the question? They can listen to internet. If they ask, they have any questions, they can quickly ask them. Amen. Mm-hmm. Mm-hmm.